إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله إن من الإيمان بالله وكتبه ورسله أن يؤمن العبد بأن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس سحوا ليس بها سحاب يراه المؤمنون في مواقف الحساب ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع أو مسلمان serviteur d'Allah سبحانه وتعالى sachez qu'il fait partie de la foi en Allah سبحانه وتعالى et en ses livres et en ses messagers le fait de croire fermement que les croyants verront directement avec leurs yeux Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, comme ils voient la lune, une nuit de pleine lune, et comme ils voient le soleil dans un ciel sans nuages. Les croyants verront leur Seigneur subhanahu wa ta'ala à l'endroit où ils seront jugés, et ils le verront subhanahu wa ta'ala quand ils entreront au paradis, comme Allah subhanahu wa ta'ala le souhaite. Et tout cela est indiqué dans le Coran, dans la Sunna, et selon le consensus des savants de l'islam. فَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ فَنَذْكُرْ تِلْكَ الْآيَاتِ الْكَلِيمَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الدَّالَّ عَلَى النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ من ذلك قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه المؤمنين يومئذ يوم القيامة وليس في الدنيا فإنه لا يرى أحد ربه عز وجل في الدنيا فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه يعني كيف أراه وبيني وبينه حجاب الأنوار فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا فدونه من باب أولى quant au Coran mes frères nous allons citer des nobles versets indiquant le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, au sens approché, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Des visages, c'est-à-dire les visages des croyants. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection, et non pas dans la dunya. En effet, personne ne peut voir son Seigneur dans cette dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné: as-tu vu ton Seigneur? Alors il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: j'ai vu une lumière. C'est-à-dire, comment puis-je le voir alors qu'il y avait entre moi et lui un voile de lumière? Et donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu voir son Seigneur dans la dunya, alors que dire de ceux qui sont en dessous de lui? وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها أي للمؤمنين ما يشاءون في الجنة، كما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولدينا مزيد. فسر عدد من الصحابة المزيد بأنه النظر إلى وجه الله جل جلاله. Et Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères, nous dit dans son livre, au sens approché: et il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous, il y a davantage encore. C'est-à-dire qu'il y aura pour les croyants tout ce qu'ils voudront au paradis, comme ceci a été rapporté dans le hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a jamais vu, ce que aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun cœur d'être humain ne peut imaginer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sens approché: et auprès de nous, il y a davantage encore. Un certain nombre de sahaba, de compagnons, ont expliqué ce verset en disant: ce qu'ils auront en plus, c'est le fait de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Kalla ay haqqan innahum, ay an al fujjar al kafara an rabbihim yawma idhin أيام القيامة لمحجوبون. فالكافر لا يرى الله جل وعلا يوم القيامة، حجبه الله عز وجل من رؤيته. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans son livre au sens approché: en vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. C'est-à-dire que les mécréants, يوم القيامة, seront empêchés de voir leur Seigneur. Ainsi, le mécréant ne pourra pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah empêchera le mécréant de le voir. قال أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرون سبحانه وتعالى. قال بعدها في نفس السورة أي سورة المطففين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى من؟ إلى ربهم تبارك وتعالى، مقابل ما وصف الله به الفجار الكفرة بأنهم عن رؤيتهم محجوبون. Les gens de science, et notamment l'imam الشافعي رحمه الله تعالى, ont dit: le fait que les ennemis d'Allah sont empêchés de voir Allah subhanahu wa ta'ala, cela indique que ses alliés, les alliés d'Allah azza wa jal, verront leur Seigneur. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la même sourate, sourate al-mutaffifin, au sens approché: et les bons seront dans un jardin de délices, sur des divans, ils regardent. Ils regardent vers où? Ils regardent leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que Allah Azza wa Jal a décrit pour les mécréants, qu'ils seront, eux, empêchés de voir leur Seigneur. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به الله جل وعلا أعداءه ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياءه. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a dit, le châtiment du voile, c'est-à-dire le fait que les mécréants ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie des pires châtiments par lesquels Allah azza wa jal châtie ses ennemis. Et la jouissance de la vision du noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des meilleurs délices par lesquels sont favorisés ses alliés. وأما السنة الصحيحة فالأحاديث متواترة كثيرة لكن ننتقي منها مما جاء في الصحيحين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. Quant au texte dans la sunna, les hadiths sont très nombreux. En effet, Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que des gens ont interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: verra-t-on notre Seigneur le jour de la résurrection? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: avez-vous du mal à voir la lune la nuit lorsque la lune est pleine? Alors il dit non au messager d'Allah. Il leur dit: avez-vous du mal à voir le soleil dans le ciel lorsqu'il n'y a aucun nuage? Ils ont dit non ya Rasulallah. Alors il a dit: c'est certes ainsi que vous verrez votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahih Muslim min hadith Suhayb radiyallahu anhu wa ardah qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Et dans l'authentique de l'imam Muslim, mes frères, selon un hadith de Suhayb radiyallahu anhu, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala leur demandera: voulez-vous que je vous rajoute? Voulez-vous que je vous rajoute? Alors les gens du paradis diront: ya Allah, n'as-tu pas illuminé nos visages? Ne nous as-tu pas fait rentrer au paradis? Ne nous as-tu pas sauvé du feu de l'enfer? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus que cela? Alors, le voile sera ôté, le voile sera enlevé et retiré, et il n'y a pas une chose qu'on leur a donnée qui est plus aimée auprès d'eux que le fait de regarder leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita la parole d'Allah au sens approché, et à ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense, c'est-à-dire le Jannah, et davantage, c'est-à-dire le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ أن يعتقد هذه العقيدة العظيمة أن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة ومن جحد ذلك أو نفى ذلك أو أنكر ذلك فإنه كاذب على الله كافر بالله العظيم كما قال غير واحد من الأئمة من زعم أن الله لا يرى يوم القيامة فهو كافر بالله مكذب للقرآن راد على الله أمره وهكذا يكون مكذبا ورادا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مخالفا لجماعة المؤمنين قد اتبع غير سبيل المؤمنين وسيوليه الله ما تولى ويصله جهنم إن مات مسرا على نفيه وإنكاره وجحوده أليس في جهنم مثوى للكافرين. Il est donc obligatoire, mes frères et mes sœurs, pour chaque musulman et chaque musulmane de croire fermement que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et celui qui refuse cela, celui qui rejette cela, celui qui renie cela, il a certes menti concernant Allah, il a mécru en Allah le majestueux. Et comme on dit plus d'un imam de cette communauté, celui qui prétend qu'Allah ne peut être vu le jour de la résurrection, a certes mécru en Allah. Il a rendu le Coran mensonger. Et il a réfuté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme il a rendu mensonger et il a réfuté la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a contredit le groupe des croyants et il a suivi un autre chemin que le chemin des croyants. Alors Allah subhanahu wa ta'ala le laissera comme il s'est détourné et Allah subhanahu wa ta'ala le brûlera dans le feu de l'enfer s'il meurt sur la négation et sur le rejet de cette croyance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran au sens approché, n'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants ? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فإنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معشر المسلمين، فمن أراد أن ينظر إلى وجه الله الكريم فعليه أن يأتي بالأسباب في هذه الحياة الدنيا لتحصل له هذه الكرامة وتحصل له هذه اللذة التي هي أعظم اللذات وأعظم أنواع النعيم. Ô musulmans, celui qui souhaite voir le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, alors il doit faire les causes durant cette vie de la dunya. Il obtiendra donc cette noblesse, il obtiendra cette jouissance bi-idhnillah, qui est la plus extraordinaire des jouissances et la plus extraordinaire ou le plus extraordinaire des bienfaits. فمن ذلك أن يموت على دين الإسلام فإن الكافر لا يرى ربه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أن يموت على التوحيد وعلى الإخلاص لله جل وعلا وأن لا يشرك بالله شيئا لا شركا أكبر ولا شركا أصغر خصوصا الرياء وهو من أنواع الشرك الأصغر التي يجب على المؤمن أن يحذر هذا المرض. يقول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علي قال علي بن المدي قال علي بن المدي رحمه الله تعالى: سألت ابن المبارك عن هذه الآية فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: من أراد أن ينظر إلى وجه الله فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. Parmi les causes, mes frères, parmi les causes pour avoir le bienfait, pour avoir la jouissance de voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, le fait de mourir sur l'islam. En effet, les mécréants ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre « Sans s'approcher ». En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Et aussi le fait de mourir sur le tawhid, le fait de mourir sur l'adoration exclusive à Allah Azza wa Jal, de ne pas associer quiconque avec Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas tomber dans le shirk majeur, ni dans le shirk mineur. Et parmi le shirk mineur, mes frères, faites attention à ria, l'ostentation, le fait d'œuvrer pour que les gens parlent bien de nous, le fait d'œuvrer pour élever notre rang auprès des gens. Il est obligatoire que chaque croyant et chaque croyante prennent garde à cette grave maladie qu'est l'ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans son livre au sens approché: quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Ali ibn Madini rahimahullahu ta'ala a demandé à Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala concernant ce verset et il lui a dit, Abdullah a dit: celui qui souhaite voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il œuvre avec les œuvres pieuses et qu'il n'informe personne de cela. Wa hakadha ma'shar al-muslimin al-ihsan min asbab an-nazar ila wajhi Allah ta'ala an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak u'bud Allah ala wajhi al-hudur ka'annaka tarahu wa ka'annaka tanzur ilayhi fi kulli 'ibadatik fa tuhassinuha وتخلصها لله جل وعلا وتتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان كذلك فله الحسنى وزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. Et parmi les causes, mes frères, pour bénéficier de cette jouissance extraordinaire, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-ihsan, l'excellence. C'est-à-dire que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et même si tu ne peux pas le voir, sache que lui, il te voit subhanahu wa ta'ala. Alors adore Allah avec une pleine concentration, comme si tu le voyais, comme si tu le regardais subhanahu wa ta'ala dans toutes tes adorations. Ainsi tu excelleras dans tes adorations. Tu les réserves exclusivement à Allah Azza wa Jal et tu te conformes dans celle-ci à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui fera cela, alors il aura la meilleure récompense, c'est-à-dire le Jannah, et il aura davantage, c'est-à-dire le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha min al-asbab al-muhafadha ala salawat al-khams wa li'tina'u biha inayatan kamila وأن تخص الفجر والعصر بمزيد عناية. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة, يعني الفجر والعصر. Et parmi les causes, mes frères, parmi les causes pour voir Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de préserver les cinq prières obligatoires, de les prier à l'heure, de les prier avec le groupe à la mosquée, de les prier avec concentration, en respectant les piliers et les obligations. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, et on se concentre plus particulièrement sur la prière du Fajr et du Asr. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie les deux fraîcheurs entrera au paradis, c'est-à-dire le Fajr, la prière du Fajr et la prière du Asr. Wa hakadha ma'ashara al-muslimin, al-du'a الدعاء بأن يرزقك الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه. ففي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Et aussi parmi les causes, mes frères, pour voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama, hein, ce sont les invocations, ad-du'a, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer pour qu'il vous donne cette jouissance, qu'il vous gratifie de cette jouissance extraordinaire, le fait de regarder son visage subhanahu wa ta'ala. Ainsi, dans le hadith rapporté par Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhuma, qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations: je te demande la réjouissance de pouvoir voir ton visage et le désir ardent de te rencontrer sans subir aucun dommage qui me nuise ni de tentation qui m'égare. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضرا مضرا ولا فتنة مضلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عن خلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عجل لهم بالفرج والنصر يا قوي يا عزيز. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.